Les éditions de l'avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden tels que rédigés par Michel Van Reux. Cycle 2, Aklan et Arconis. Le fascicule allemand numéro 80, Dans les cavernes des Drouffes, écrit par Courtemort en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 35, La Revanche du Régent, paru chez Fleuve Noir en 1976. Rodden, Bull, Aklan et Felmer Lloyd ont été capturés par les Drouffes et emmenés dans le système de Siamed, sur Roland, une planète géante à forte pesanteur et à atmosphère de méthane. L'équipement de leur geôle comprend un générateur de gravité artificielle. Rodden imagine aussitôt de provoquer des variations de gravitation pour attirer l'attention de la base de Hadès. Le signal ne passe pas inaperçu des Drouffes qui mettent fin à la tentative et séparent les prisonniers. Sur Terre, Michael Fred et Dering House s'entretiennent de la situation politique. Thomas Cardiff, le fils du Stellarque présumé mort, a revendiqué sa succession et s'est bien sûr vu opposer une fin de non-recevoir. Après une manifestation de ses partisans, il a été dégradé et arrêté. Sur ces entrefaites, Betty Tufree annonce avoir reçu une faible communication télépathique émanant du mausolée d'Ernst Ellert. Il a reçu un appel au secours dans l'univers d'Ouf. The Ringhouse, l'émir et Rastubai gagnent la base de Hadès. Le mulot doit entrer en contact télépathique avec Ernst Ellert qui parasite le corps du Drouf Ono. C'est finalement Ellert qui se manifeste en s'emparant du corps du capitaine Marcel Roux. Il révèle que les Drouf ont ramené, il y a quelques jours, 4 prisonniers terriens qu'il considère comme importants. Il donne aussi la localisation de la base sur Roland. À bord d'une gazelle, Deringhouse, l'émir et Rastubai se rendent sur Roland pour secourir les 4 prisonniers. Rastubai se téléporte dans une des salles, mais il est surpris par la gravité élevée puis paralysé par un Drouf. De leur côté, les 4 prisonniers se procurent des spatiandres Drouf. Ils adaptent tant bien que mal à leur taille et cherchent un émetteur, mais ils doivent faire face aux robots Drouf mis en alerte. Ils trouvent la sortie de la base et se risquent à l'extérieur sous la forte pesanteur. Des robots donnent la chasse aux évadés. Les fugitifs doivent également affronter une tempête qui se lève. Rodden est mis en difficulté, son spatiandre étant percé. L'émir tente de retrouver Ras, mais il est paralysé à son tour. Les 2 téléporteurs sont amenés devant le commandant de la base. Ils reviennent à eux et, à la grande surprise des Drouf, s'évaporent. De retour dans la gazelle, le mulot a tôt fait de localiser les 4 évadés et de les ramener à bord. La gazelle décolle à toute vitesse sous le feu des Drouf. Juste avant sa destruction, le commando évacue le vaisseau par transmetteur de matière et rallie la base de Hadès. Le fascicule allemand numéro 81, Le vaisseau des ancêtres, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 42, L'Arche des Aïeux, paru chez Fleuve Noir en 1977. Depuis des millénaires, un vaisseau gigantesque sillonne l'univers. Ses passagers, des arcanides qui ignorent tout de leur origine, mènent une vie régulée par des robots. Plusieurs d'entre eux se posent des questions sur les raisons de leur vie. Le technicien Deb 75 a pénétré dans un secteur interdit du vaisseau pour réparer une panne et découvert que leurs aïeux sont conservés dans un sommeil cryogénique alors qu'ils sont censés avoir été incinérés dans des convertisseurs. Avec deux autres compagnons, il va voir le commandant, comme un, qui refuse de répondre à leurs questions et les menace de finir dans le convertisseur pour cause de mutinerie. Psy-5 apprend que le commandant est le seul à être au courant du fonctionnement de leur monde et qu'il doit en informer son successeur avant de mourir. Menacé de mort, comme un accepte de révéler le secret du vaisseau. Le groupe de rebelles met au point un plan d'action afin de reprendre le commandement du vaisseau au robot qui contrôle tout. Fin décembre 2043, le patrouilleur Arctique, à bord duquel se trouve l'émir, émerge dans l'espace normal à 20 000 années-lumière de la Terre. Il capte un appel au secours venant d'un autre vaisseau et le mulot castor se téléporte sur celui-ci. Il se rematérialise dans une salle où les robots viennent de pousser le technicien T-39 dans un convertisseur. L'émir porte assistance au conjuré. Il s'avère rapidement que les personnes, soi-disant conduites au convertisseur, sont plongées dans un sommeil cryogénique de façon à être réveillées et à fonder une nouvelle race lorsque le vaisseau arrivera sur une planète propice à la vie. Les robots sont reprogrammés pour obéir aux humains et l'émir retourne sur l'Arctique où il était son aventure estimant que seul Perry Rodden doit être mis au courant. Le fascicule allemand numéro 82, Échec à l'univers, écrit par Kurt Mahr en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 38, Recrue pour le régent, paru chez Fleuve Noir en 1976. À la sortie d'un restaurant de Terrania, le 10 décembre 2043, le colonel Julian Tiffler est enlevé et soumis à une séance d'indoctrinateurs. Il s'agit d'un plan élaboré par Perry Rodden pour provoquer la guerre entre les Arcanides et les Druf dans l'espoir d'affaiblir les deux parties au bénéfice de la Terre. Julian Tipper passera pour un déserteur à la tête d'un groupe de terriens dissidents. Il devra convaincre les Druf que le régent va les attaquer et les inciter à agir les premiers. Le groupe de Julian Tipper s'empare d'une vieille frégate sur l'astroport de Terrania, l'Infante, ils appareillent en direction de la zone d'interférence avec l'univers Druf. Rodden avertit le régent de la pseudo-trahison de Tiffler. Il espère que le robot fera donner la chasse aux soi-disant déserteurs, accréditant l'histoire que ces derniers raconteront aux Druf. Sur son trajet vers la zone d'interférence, l'infante est interceptée par un croiseur arconé. Ras Chubai se téléporte à bord et sabote le réacteur, provoquant une explosion apparemment accidentelle du vaisseau. L'infante reprend sa course vers les Vortex. Des navires arcanides l'y attendent de pied ferme, mais c'est finalement un navire Druf, camouflé, qui découvre l'infante. Il la prend sous son rayon tracteur et l'emmène à travers les Vortex. Rodden arrive dans la zone d'interférence avec le Drusus et le Kubilai Khan pour aider Tiffler si besoin et être en contact avec la base secrète de Hadès. Tiffler prend contact avec les Druf. Il tente de les convaincre qu'il désapprouve les pourparlers en cours avec le régent et que ce dernier va les attaquer avec la bénédiction de la Terre. Tiffler réclame d'être conduit sur Siamed pour parler au Conseil qu'il espère manipuler grâce à l'intervention d'Ernst Ellert. Mais son interlocuteur l'assure que les Druf ont déjà pris toutes les mesures pour repousser une invasion des croiseurs robots arcanides. Il demande en outre aux terriens de rester pour assumer le commandement d'une de leurs escadres. Leur rythme temporel plus rapide corrigera quelque peu le désavantage des Druf. Tefleu est consterné par cette proposition, mais s'il veut rester fidèle à son rôle, il ne peut qu'accepter. Il s'aborde l'infante et embarque avec ses hommes à bord d'un vaisseau de Roof. Le régent, plus que jamais convaincu de l'importance de la capture des déserteurs terriens, lance 20 000 croiseurs à travers les vortex. Tefleu et ses hommes vont se trouver en première ligne pour les affronter, avec sous leurs ordres 15 000 unités de Roof. Le plan de Rodden va finalement se réaliser. Grâce à leurs aptitudes tactiques et à leur rythme temporel plus rapide que les Droof, les Terriens mènent avec succès quelques attaques contre la flotte du régent. Mais les Arcanides s'adaptent rapidement aux manœuvres des Droof et rétablissent l'équilibre. Les pertes sont énormes de part et d'autre. Le navire amiral Droof est gravement touché dans la bataille. Quand Tefleu tente de gagner une chaloupe, il est blessé par un robot de garde Droof. Alors que les deux croiseurs terriens s'apprêtent à passer dans l'univers Droof pour secourir le groupe de Tefleur, le régent tente de les détruire et ils doivent quitter en catastrophe la zone des vortex. Les hommes de Tefleur se regroupent à bord d'une chaloupe de sauvetage et parviennent à rejoindre la base de Hadès. La chaloupe est démontée rapidement et expédiée par transmetteur à bord du Drusus et du Kublai Khan. La mission du colonel Tefleu s'achève sur un double succès. Les Droof, comme le régent, ont perdu d'innombrables vaisseaux et les Terriens sont en possession de navires à propulsion linéaire qu'ils pourront étudier. Le fascicule allemand numéro 83, « Allô, Topside, répondez », écrit par Kurt Brand en 1963, ne fut pas traduit en français. Lors du nouvel an 2044, Reginald Bull s'entaille le pouce en cassant un verre de cognac, incident qu'il considère comme un signe de mauvais présage. Les activités du régent inquiètent les responsables de l'Empire solaire. D'ici un an, la zone d'interférence avec l'univers des Droof cessera d'être stable et le cerveau robot pourra consacrer toutes ses forces à la Terre. De plus en plus de nefs robots sont confiés à des commandants organiques comme des Aras et des Francs-Passeurs. Quand Perry Rodden est informé que même des Topsides prennent le commandement d'unités arcanides, il est saisi d'une vive inquiétude. En effet, depuis la campagne de Vega, les hommes reptiles connaissent la position de la Terre à 27 années-lumière près. Rodden décide de lancer une opération sur Topside. Tous les mutants sont convoqués. Le croiseur Kubilai Khan est maquillé en nef arcanide et l'équipage prend aussi l'apparence d'arcanide. Juste avant le départ, Rodden est informé que son fils, Thomas Cardiff, a un discours subversif envers lui. Il ordonne au commandant de la garnison de Pluton de le traiter comme tout autre officier. Il va passer en cour martiale. Le 6 janvier 2044 commence l'opération Kamikaze. Accompagné d'une dizaine d'autres nefs, le Kubilai Khan rallie Topside. Les champs d'ionisation sont déployés et Rodden annonce son arrivée. Une escadre tente de l'intercepter, mais elle est mise en déroute. Ils ont utilisé une nouvelle arme, une sorte de rayon de vestigation. Le Kubilai Khan se pose. Rodden se montre extrêmement sec envers une délégation venue l'accueillir. Il est informé alors que deux croiseurs arcanides arrivent pour embarquer des Topsides. L'émir passe à l'action pour éliminer tout danger de ce côté. Rodden obtient des informations sur tous les Topsides ayant participé à la campagne de Vega, 70 ans plus tôt, ou ayant eu des rapports avec cette opération. Les mutants se déploient pour effacer, partout où possible, les informations sur Vega. Le blocus des communications ne peut finalement empêcher les Arcanides d'intervenir. Au moins 2000 nefs émergent dans le système. Le Kubilai Khan s'enfuit au dernier moment, devant attendre le retour des derniers mutants. Gravement touché, le Kubilai Khan est finalement détruit, et avec lui, le transmetteur fictif qui avait été installé à bord. Les survivants fuient à bord d'une chaloupe. Le fascicule allemand numéro 84, Des recrues pour Harkonnis, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 38, Recrues pour le Régent, paru chez Fleuve Noir en 1976. Rawdon décide d'en finir avec le Régent, soit en le détruisant, soit en le désactivant. Pour y arriver, il décide d'infiltrer des hommes sur Zalit, où la flotte Harkonnide recrute. Jeremy Toffner, agent de la Défense solaire, y est en poste depuis 3 ans, sous l'identité d'un prospère organisateur de combats de fauves et de gladiateurs dans les arènes de Tagdor, la capitale planétaire. L'amiral Harkonnide, Kallus Domonizer, débarque sur Zalit et entend activer les enrôlements trop peu nombreux au goût du régent. Les messages de Jeremy Toffner confortent Rawdon dans son idée. Gagner Harkonnis sous l'identité de conscrits zalitains. Un groupe de 200 hommes est préparé pour prendre l'apparence d'honnêtes zalitains. Via les transmetteurs de matière déposés préalablement par le Drusus, les 200 hommes débarquent sur Zalit. Pour réveiller la bonne volonté des zalitains, l'amiral Kallus commence une série de discours journaliers à la tribu. Il est activement écouté par Rawdon et par le sergent Roger Osega, qui présente avec Kallus une nette ressemblance physique. Les biologistes et les chirurgiens du groupe font d'Osega une copie conforme de l'amiral. Demir et Chubai téléportent Kallus Osega dans le bureau de l'authentique amiral et ramènent ce dernier dans les catacombes. Kallus Osega joue à merveille le rôle de l'amiral. Les terriens en profitent pour s'enrôler. Le fascicule allemand numéro 85, École de combat Naator, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 37, Le prix du pouvoir, paru chez Fleuve Noir en 1976. Un groupe de 200 zalitains, réfractaires à la mobilisation, se cache dans les montagnes. Un membre de ce groupe, Rogue, rêve d'une action d'éclat pour prouver la résistance de la planète à l'autorité Harkonnide. Il décide d'assassiner l'amiral Kallus Domonizer, gouverneur militaire de Zalit, et, avec persévérance, il y parvient, ignorant qu'il a en fait tué le terrien Roger Osega. Perry Rawdon et son groupe de pseudo-zalitains attendent d'être embarqués dans un transport pour Harkonnis. Un nouveau contingent de conscrits est embarqué pour Harkonnis. Cette fois, Rawdon et les Terriens en font partie. Ils laissent le major Art Rosberg sur Zalit avec, pour instruction, de ne les contacter par hypercom qu'en cas d'extrême urgence. Au terme du voyage, une déconvenue attend les Terriens. Ils n'ont pas atterri sur Harkonnis. L'amiral Harkonnide Sineco souhaite aux recrues la bienvenue au camp d'instruction de Naator, une lune de la cinquième planète du système. Les futurs soldats doivent se soumettre à un nouvel examen médical, ce qui oblige André Lenoir à prendre les médecins Zara sous contrôle mental. Pour lui en donner le temps, les téléporteurs vont mener des opérations de sabotage sur Naator. Les attentats portent leurs fruits. L'amiral Sineco soupçonne une rébellion des Naats et il leur interdit l'accès aux installations militaires. Cela nécessite toutefois des modifications dans l'organisation du camp et les visites médicales sont suspendues. Tako Kakuta et Rash Chubai continuent de disséminer des bombes partout sur Naator, ajoutant à la confusion. Le Noir met ce délai à profit pour conditionner les autres médecins galactiques. Cela fait, les sabotages peuvent enfin cesser. Les Terriens se voient confier un croiseur de 800 mètres, le Corvellet, sous le commandement d'Igur Atlan et de Sesset Rawdon. Les officiers continueront à former leurs hommes sur le tas. De nombreux zalitains authentiques s'ajoutent à l'équipage, imposant aux terriens de surveiller leur comportement. L'escadre à laquelle appartient le Corvellet effectue plusieurs vols d'essai à la satisfaction de l'amiral Sineco. Sur Zalit, l'assassinat de Kallus a entraîné un durcissement de la politique harkonnide. Grâce aux relations de Jeremy Toffner, le major Rosberg apprend que les restes du faux amiral Kallus se trouvent dans un astronef robot prêt à appareiller. L'émir se téléporte à bord et escamote la dépouille mortelle du sergent. Pour effacer toute trace, Ivan Ivanovitch Gorachin fait ensuite exploser le vaisseau. Le corps de Roger Rozega est inhumé dans une crypte. Le fascicule allemand numéro 86, La clé du pouvoir, écrit par Kohashir en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 37, Le prix du pouvoir, paru chez Fleuve Noir en 1976. Sur Naator, l'instruction des nouvelles recrues est terminée. Le 18 mars 2044, le groupe auquel appartiennent les Terriens décolle pour Arcanis III. Une fois sur Arcanis, le groupe de croiseurs auxquels ils sont affectés se livre à des exercices de combat spatial. L'humeur sombre d'Atlan n'est pas améliorée par le comportement du commodore dégénéré qui lui a été imposé à bord. Devant l'intense activité qui règne sur Arcanis III, l'ancien amiral prend conscience de la tâche titanesque que représente l'administration de l'Empire Arcanide avec toutes ses colonies. Les recrues sont jugées prêtes pour le combat. Avant de partir pour le front, les croiseurs doivent d'abord passer au chantier naval. Les équipages bénéficient d'une permission dans une des villes souterraines. Or, leurs quartiers sont tout proches des installations du régent. Radon prend sa décision. C'est maintenant qu'il faut frapper. Un groupe de 10 hommes va tenter de détruire les centrales énergétiques qui alimentent le grand robot, mais les Terriens ne pénètrent que dans des installations annexes. Les secteurs vitaux pour le régent sont protégés par un écran pointidimensionnel, infranchissable aux téléporteurs. Le commando doit battre en retraite devant les robots de combat. Le régent a identifié les agresseurs comme des habitants. Il oblige tous les permissionnaires à rentrer dans leur quartier en un temps bien trop court, puis fait abattre les retardataires. Peine perdue. Les téléporteurs ont escamoté le commando en quelques minutes. Radon ordonne à un artificier d'amorcer une bombe arcanide. Atlan veut s'opposer à cette décision pour éviter la désagrégation de l'Empire, mais le Terrien reste sourd à ses arguments et le neutralise. La bombe arcanide n'explose pas à l'heure prévue. Le régent l'a vraisemblablement repéré à son rayonnement et désamorcé. Les Terriens sont obligés de tenter une sortie d'avance vouée à l'échec. Au moment où ils vont succomber sous le nombre, Atlan, désespéré, décline au régent son identité et ses titres et lui clame son mépris. À la surprise générale, ses paroles déclenchent le relais de sécurité A1 qui reconnaît le droit d'Atlan à la succession impériale et relègue le régent dans un rôle administratif. Le but est atteint. Le régent est destitué et Atlan est à présent le maître du grand empire d'Arcanis. Le fascicule allemand numéro 87, Les dormeurs de la CIB, écrit par William Voltz en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 38, La déroute des Droufs, paru chez Fleuve Noir en 1976. À 48 ans, déçu par la vie, Maurice Dombey décide de faire appel au service de la Compagnie internationale de biosommeil pour être placé en sommeil artificiel pour une durée de 300 ans. Il est amené dans les installations souterraines de la CIB dans le Wyoming. Mais alors que les préparations de sa mise en sommeil vont bon train, Maurice Dombey découvre quelque chose qui l'épouvante. Il s'enfuit et se cache dans les cavernes. En avril 2044, sa femme engage le détective privé Richard Kenioff, un ancien membre de la Défense solaire, afin qu'il aille à la CIB convaincre Maurice Dumby de renoncer à sa mise en sommeil. Richard Kenioff, qui pense depuis un certain temps que la CIB est louche, saute sur l'occasion et décide de s'occuper de l'affaire. Il entreprend d'infiltrer la CIB en posant sa candidature pour se faire endormir. Dans les locaux de la CIB, Richard Kenioff est interrogé, puis sa candidature à l'endormissement est finalement acceptée. Avec deux autres candidats, Kenioff est emmené dans la base de la CIB, où il subit des examens médicaux. Une fois seul, grâce à un micro-déflecteur qui le rend invisible, il réussit à placer un émetteur dans le poste de commande du sous-sol. Il rend ensuite visite aux cuves où sont stockés les endormis, mais ne découvre rien d'anormal. Peu après, il capte un signal quantidimensionnel qui l'intrigue et découvre que les corps de deux autres candidats ont été expédiés par transmetteur dans un lieu inconnu. Kenioff finit par être découvert. Poursuivi par les sbires de Dunk Kinskate, le chef de la base, Kenioff se réfugie dans la salle des cuves et menace de tout faire sauter. Il reçoit l'aide inattendue du docteur Leboeuf, qui travaillait pour la CIB, mais a décidé de changer de camp. Peu après, Leboeuf est capturé par les hommes de la CIB. Kenioff demande alors un délai de 12 heures avant de se rendre, en espérant être secouru entre-temps par des amis. Dunk Kinskate accepte, mais prévient Owen Canavos, le fondateur et président de la CIB. Kenioff profite de ce délai pour examiner de près l'un des endormis et découvre que son corps est en fait un simulacre artificiel qui contient un monstre. Kenioff découvre que c'est un drouf. Dunk Kinskate se souvient de la manière dont les droufs ont intercepté les émissions d'un transmetteur entre la Terre et la Lune, ce qui leur a permis de découvrir les coordonnées de la Terre et d'entrer en contact avec Owen Canavos, un affairiste sans scrupules. Avec lui, ils ont monté la CIB, qui n'est autre qu'un moyen de faire venir sur Terre, petit à petit, et par transmetteur, une armée de droufs. Les candidats au sommeil sont envoyés par transmetteur dans l'univers des droufs. En échange, les droufs envoient sur Terre des jeunes droufs, qui sont cachés dans les simulacres de corps. Les droufs ont promis à Canavos la place de Stellarque quand ils auront pris le pouvoir sur Terre. C'est alors que des hommes de la Défense solaire attaquent la base de la CIB. Pendant ce temps, Kenioff met le feu à la salle des cuves, détruisant ainsi les droufs. Dunk Kinskate et ses hommes sont neutralisés. Dans la bataille, le docteur Leboeuf réussit à s'échapper de la cellule où les hommes de la CIB l'avaient enfermé et se sacrifie en faisant sauter le transmetteur reliant la base à l'univers des droufs. Le fascicule allemand numéro 88, Le Plan Colomb, écrit par Kohashir en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 38, La déroute des droufs, paru chez Fleuve Noir en 1976. Le 11 mai 2044, Perry Rodden envoie, depuis Harkonnis, un message à la Terre pour l'informer de la chute du régent et de la prise de pouvoir par Atlan. Il demande que le Drusus se rende sur Harkonnis après une escale sur Zalit pour y embarquer des scientifiques et des mutants. Sur Harkonnis 3, Perry Rodden tente de faire signer à Atlan un traité d'assistance mutuelle entre l'Empire solaire et l'Empire Harkonide, mais Atlan refuse de s'engager tout en assurant les Terriens de son amitié. Le Drusus arrive et Rodden est informé de la tentative avortée d'invasion des Droufs sur Terre par transmetteur. Atlan, mis au courant, affirme qu'il est presque certain que les Droufs connaissent la position de la Terre. Rodden et les Terriens embarquent sur le Drusus. La flotte solaire détecte l'émergence de vaisseaux spatiaux à 42 années-lumière de la Terre dans le système de Capella. Perry Rodden, de retour sur Terre, pense avoir affaire aux Droufs. Crest pense qu'ils sont arrivés à créer un nouveau passage vers notre univers. Des milliers de vaisseaux Droufs attaquent le système solaire. La faiblesse numérique de la flotte solaire oblige Perry Rodden à retirer les flottes stationnées sur la première ligne de défense au large de Pluton. Devant cette situation, Rodden sollicite l'aide de l'Empire Arcanoid. Afin de demander l'aide d'Enstellert, qui est toujours incarné dans le savant Droof Ono, Rodden expédie de Californie, sous le commandement de Julian Differ, dans l'univers des Droof. Une fois dans le système de Siamed, les mutants prennent contact avec Enstellert. Il leur apprend où se trouve la base qui a créé le passage entre l'univers des Droof et le nôtre. Une action audacieuse des mutants permet de détruire cette base et ainsi de couper la flotte Droof de ses arrières. Pendant ce temps, la flotte solaire recule petit à petit devant la flotte des Droof. C'est alors qu'arrive une flotte arcanide accompagnée de la flotte du franc-passeur Caucase. Ses renforts et la fermeture de la porte entre les univers scellent la défaite de la flotte des Droof. Rodden accueille les Arcanides comme des alliés, mais demande aux francs-passeurs de se retirer, les soupçonnant d'arrière-pensée. Maintenant, la position de la Terre est connue de tous. Une ère nouvelle commence pour l'Empire solaire. Le fascicule allemand numéro 89, L'heure de l'émir, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 39, Rodden, René Rodden, paru chez Fleuve Noir en 1977. Le 2 juin 2044, la situation est confuse sur la Terre, où règne une grande agitation. D'une part, les francs-passeurs de Caucase occupent Mars et Vénus. D'autre part, plusieurs voix s'élèvent contre Perry Rodden, à qui on reproche sa loi d'exception. Le Parlement s'apprêtant à poser une question de confiance, le Stellark est d'accord pour se présenter devant lui. Lors de la séance qui a lieu 3 jours plus tard, un représentant du groupe africain reproche les données publiques utilisées pour la milice des mutants, qu'il traite d'abrutis. Cette position se retourne contre lui, surtout quand Reginald Bull met en avant une affaire dans laquelle il est impliqué. C'est à ce moment que Rodden apprend, atterré, que Thomas Cardiff a déserté. Perry Rodden appelle Caucase, qui a pour objectif d'obtenir le monopole du commerce. La flotte robot d'Arcanis se retire du système solaire. Il demande aux marchands galactiques d'en faire autant. Caucase met fin à la communication après avoir appris que Thomas Cardiff l'attend sur un de ses vaisseaux. Pendant ce temps, une rumeur circule selon laquelle Rodden aurait envoyé intentionnellement sa femme malade sur Arcanis pour s'en débarrasser. Caucase rencontre Thomas Cardiff et tous deux cherchent à abattre l'Empire solaire. Cardiff veut consulter le grand coordinateur, ignorant qu'Atlan est maintenant au pouvoir. Le régent répond que les lois d'Arcanis interdisent de s'immiscer dans les affaires d'un autre empire. Après cela, Cardiff diffuse un message où il se proclame nouveau Stellark. Des attentats se produisent un peu partout dans l'Empire solaire, attisant la rancœur envers Rodden. L'état d'exception est déclaré sur la Terre et les sénateurs convoquent le Parlement en session extraordinaire. Les francs-passeurs sont prêts à aider l'Empire solaire, mais en échange du monopole du commerce. Plus tard, Caucase veut faire redoubler les attentats, mais Cardiff lui conseille la prudence et surtout de se méfier des mutants. Les mutants passent à l'action et sèment la confusion dans la flotte de Caucase. Plusieurs équipages abandonnent leur navire, d'autres sont détruits, dont le Coq 1, où l'émir est venu détruire les centrales nucléaires. Caucase change de vaisseau pour se rendre sur le Coq 2 et, sur les conseils de Cardiff, fait cacher le navire au fond de l'océan Vénusien. Malgré la confusion, Perry Rodden est réélu Stellark. Il donne 5 heures aux francs-passeurs pour quitter le système solaire. Caucase décide de lancer une attaque contre la Terre. Les premiers combats s'engagent. Thomas Cardiff interroge 2 prisonniers terriens qui, à leur corps défendant, révèle qu'Atlan a pris le pouvoir. Informé, Korkaz change ses plans du tout au tout. La nouvelle est d'une telle importance que l'Empire solaire ne l'intéresse plus. Et quand les renforts arrivent d'Arconis, sous la forme de 2500 croiseurs, Korkaz accepte l'ultimatum de Rodden et se retire du système. Les deux prisonniers sont libérés. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 2, les fascicules 80 à 89, des aventures de Perry Rodden, tel que rédigé par Michel Van Rue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sur Contra Creative Commons, Share Alike, et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez lavenieraudio.canablog.com. Merci de votre attention. À bientôt.